Nous sommes en 2021. Goldorak est passé à la télé pour toute ma génération il y a plus de 42 ans. Bien évidemment, ce dessin animé est repassé sur une chaîne belge Ouf TV ou sur la chaîne du câble français Manga. Bien évidemment, on peut trouver tous les épisodes sur DVD ou sur le net, en VF ou en VO. Mais je ne suis pas certain que tous les gens qui pourraient potentiellement écouter ce podcast soient au fait des personnages de Goldorak. Voici donc un épisode pour ceux qui veulent un résumé de ces personnages en quelques minutes. Prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète. C'est la seule vérité. La série comprend un nombre restreint d'acteurs de premier plan, et si une multitude de personnages secondaires défilent en masse tout au long du feuilleton, les protagonistes principaux ne se renouvelleront pas et peu arriveront à s'inviter dans cette série et à y demeurer. Certains, pourtant, marqueront fortement l'histoire, même en de petits passages. Commençons par les plus importants, les membres de la Patrouille des Aigles. Le personnage principal, premier rôle et premier membre de la future Patrouille des Aigles, est bien sûr Actarus Defort, le dauphin de la planète du même nom, ravagé par l'armée de Vega. On l'appelle aussi le prince de l'espace. En version originale, son nom est Duke Fleed. Actarus, après avoir assisté à la mort de ses parents, réussit à s'enfuir. Pour ce faire, il dérobe aux troupes de Vega un prototype de robot de combat qu'il utilisera par après dans toutes ses aventures. C'est Goldorak. Il sera blessé lors de sa fuite de fort par du lasernium, qui restera un rayonnement dangereux pour lui, ce dont ses ennemis tenteront de profiter. Sa fuite le mènera sur la planète bleue, où il dissimulera son identité de prince de fort sous les traits d'un palefrenier dans le range du Bouleau Blanc, avec comme identité Actarus Procyon. En version originale, son nom d'emprunt est alors Deisuke Umon. Sa voix française est celle de Daniel Gall, qui faisait aussi la voix de Bruce Banner dans la série L'Incroyable Hulk, de Simon Templar dans Le Retour du Saint, du colonel Decker dans l'Agence Tourisque, ou encore de Frank Buck, le chasseur de fauves. Notre peuple a été réduit à néant. Des monstres d'acier ont tout ravagé. Notre palais a été dévoré par les flammes. Goldorak traversa l'espace infini et atteignit une merveilleuse planète bleue. J'ai su plus tard que c'était la Terre. Et maintenant, à moi de jouer. Si le dernier barrage saute, je serai responsable de la mort de tout ce que j'ai. Le second rôle, et deuxième membre de la Patrouille des Aigles, ainsi que frère spirituel d'Actarus, est assigné à Alcor, dont le nom dans la version originale est Koji Kabuto. Comme nous l'avons vu dans un épisode précédent, il est aussi le héros de la série Mazinger Z. Dans celle-ci, il avait vu son grand-père assassiné par un docteur malfaisant, voulant conquérir le monde. Il avait décidé de défendre la liberté à l'aide d'un robot créé par son grand-père. Au début de Goldorak, il revient étudier les phénomènes ovnis au Japon, à bord d'une navette qu'il a construite lui-même. D'un caractère fonceur et téméraire, il sera souvent en conflit avec Actarus. Mais ils finiront par devenir les meilleurs amis du monde, puis même des frères de l'espace. Il est dans un premier temps une espèce de faire-valoir et souffre la comparaison avec Actarus, ce qui attise sa jalousie naturelle, mais il devient rapidement son grand ami et va l'aider dans sa lutte à partir du moment où il pilotera l'Alcorak, son troisième vaisseau, après ses deux faibles navettes faites main. Son terrain de prédilection est l'air, il aide Goldorak lors de combats aériens en lui servant de support. Au départ, il fut attiré par Vénusia, ce qui augmentera la jalousie entre les deux amis. Mais c'est avec Phénicia que nous le voyons tous finir. Bien évidemment, nous ne savions pas à l'époque qu'il était amoureux d'une certaine Sayaka, qu'il avait rencontré dans Mazinger. Sa voix française est celle de Pierre Guillermo, qui était aussi la voix d'Alistair dans Candy, et qui a complètement abandonné le doublage par après. Oh, quelle petite peste! Je te flanquerai une raclée si tu n'étais pas la sœur d'Actarus. Tu veux faire la course? Eh bien, tu vas voir. Aucun homme ne peut rester seul. Notre faiblesse nous contraint à nous unir. Nous dépendons tous les uns des autres. Nous étions bien d'accord? Excusez-moi, professeur. La troisième membre par ordre d'arrivée dans la Patrouille des Aigles est Vénusia. Elle est la fille du patron du ranch où travaille Actarus lorsqu'il ne sauve pas la Terre. Vénusia est, de manière plus ou moins discrète, amoureuse d'Actarus, et n'est au début de l'histoire pas au courant qu'il mène une double vie. En version originale, son nom est Hikaru Makiba. Au cours de l'histoire, son personnage va évoluer de jeune fille coincée entre l'école et le ranch pour prendre de l'assurance. Après avoir découvert la véritable identité de son prince et avoir vu ses capacités physiques se développer à la suite d'une transfusion de sang de celui-ci, elle se joindra à lui et à Alcor pour défendre la Terre contre les envahisseurs de Vega. Elle le fera dans un vaisseau spécialement fabriqué pour elle par le père adoptif d'Actarus, et principalement pensé pour évoluer dans les airs et sous l'eau, le Vénusiac. Il aide Goldorak lors de missions sous-marines en lui servant de support. Malheureusement pour elle, leur histoire d'amour ne semblera jamais pouvoir se concrétiser, principalement à cause du souvenir de Végalia, l'amour du passé du prince de Fort. Sa voix française est celle de Jeanne Val, qui a prêté sa voix à de nombreux personnages. Elle est Nelly Olson dans La Petite Maison dans la Prairie, la maman dans Alf, Frisquette dans Booba, ou encore Edna, la femme de ménage dans Arnold et Willy. Tu ferais mieux de t'occuper un peu de moi. Si ça me ferait plaisir de danser, c'est moi qui irai. Vénusiac est conçu pour opérer en immergation. La dernière arrivée dans la patrouille des aigles, et quatrième membre, est la jeune sœur d'Actarus, et par conséquent princesse de Fort. Son nom en version originale est Maria Grace Fleed. Son arrivée fut tardive dans la série, mais sa présence, à la fois très féminine et avec du caractère et de la répartie, la bonifia néanmoins, entre autres pour les nombreux jeunes garçons que nous étions à l'époque. Elle avait survécu au massacre de Fort grâce à son précepteur, mais pensait être la seule survivante. Lorsqu'elle retrouvera son frère, elle décida de se joindre à la patrouille des aigles pour défendre la Terre et venger sa famille. Pour ce faire, elle pilotera le Fossoirac, appareil développé par le professeur Procyon, afin de lutter dans les airs et sous terre. Il aide Goldorak lors de missions souterraines en lui servant de support. Sa voix française sera d'abord, pour les trois premiers épisodes, celle de Claude Chantal, qui était aussi la narratrice dans Candy, la voix de Nausicaa dans Albator ou de Tante Sally dans Tom Sawyer. Je suis capable de rivaliser avec n'importe quel garçon, seulement tu as triché parce que tu as eu peur de me vexer. Ou alors, c'est que tu n'es même pas capable d'aller plus vite, c'est tout. Dans les autres épisodes, c'est Catherine Lafon qui prend le relais. Elle est la voix de Zora Larousse, de Daisy Duke dans Chérie Fais-moi Peur, ou encore de Princesse dans La Bataille des Planètes. Vénusia, ça ne va pas être une partie de plaisir. Je suis attaquée par une fièvre géante. Oui, elle bloque les commandes. Alcor, ne fais pas de bêtises. Allô, le centre, ici Phénicia, pareil à plonger. Avec Actarus, Alcor, Vénusia et Phénicia, puis Goldorak, Alcorak, Vénusiac et Fossoirac, on a ainsi une patrouille de quatre aigles qui sillonnent les cieux, les mers et les terres pour défendre la planète contre les attaques de Vega. Goldorak, bouge. Arrêtons les décollages. Fossoirac. Attends, c'est moi qui commande quand Actarus n'est pas là. Attrape-moi si tu peux. Alcorak, go. Vénusiac, go. Ne fais pas cavalier seul. Rejoins la formation. Tous ces appareils sont construits, stockés, réparés et entretenus au centre de recherche sur les phénomènes spatiaux qui se trouve sous la direction du professeur Procyon. Parlons donc maintenant de la famille de nos héros. Professeur Procyon est le père adoptif d'Actarus. C'est un homme de science et de cœur. Il a recueilli et adopté le prince de Fort sur Terre tout en gardant le secret sur sa véritable identité. De la même manière, il prendra sous son aile Alcor, ce qui permettra aux deux amis de devenir les frères de l'espace, et ceci de manière un peu plus concrète. D'une nature pacifique, il va peu à peu voir sa participation s'accroître dans la guerre que se livrent Vega, son fils et son équipe, et voir son centre devenir une base secrète aux nombreuses sorties pour Goldorak et la patrouille des aigles. En version originale, il se nomme Shiochio Genzo Umon. Sa voix française est celle de Michel Gatineau, la voix de Charlie Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie ou de Jonathan Smith dans Les Routes du Paradis, ainsi que de Monsieur Cavelier dans La Bataille des Planètes. Actarus vient de la planète Euphor, qui était située dans la nébuleuse de Vega. On l'appelait le prince de l'espace. Une seconde. Il est dangereux de plonger sans savoir où l'on va. Explorez d'abord les fonds avec le sous-marin de poche. Le propriétaire du ranch où travaille Actarus, ainsi que des terres sur lesquelles est construit le laboratoire du professeur Procyon, se nomme Rigel. Il a deux enfants, Vénusia dont nous avons déjà parlé, et Mizar. Son ranch sert de résidence à la majorité de nos héros. Au début de la série, Rigel est un ovnifile convaincu. Il ne rêve que d'une chose, accueillir des extraterrestres. Avec le temps, il se rendra compte que tous les extraterrestres ne sont pas remplis de bonnes intentions, et il aidera avec ses faibles moyens à lutter contre l'envahisseur. Son nom en version originale est Danby Makiba. Sa voix française est celle de Jacques Ferrière. Jacques Ferrière sera une des voix de Calonne dans Capitaine Flamme. Il est aussi le sergent de Hong Kong Foufou, le narrateur de L'Oiseau Bleu ou encore Skeletor dans Les Maîtres de l'Univers. Et professeur Poisson, que cela vous apporte la joie et le bonheur toute la nuit. Ah, ils ont vu à qui ils avaient affaire et ils se sont enfuis comme des lâches. Le fils de Rigel et frère de Vénusia s'appelle Mizar, soit Hikaru Makiba en japonais. C'est un petit garçon débrouillard et sympathique, bien que souvent trop curieux. Il aime taquiner sa sœur au sujet des sentiments qu'elle a envers Actarus. Il admire d'ailleurs beaucoup celui-ci qu'il considère comme un grand frère. Sa voix française est celle d'une femme, Marcel Lajeunesse, qui fera aussi la voix de Huckleberry Finn dans Tom Sawyer ou de Quedotte dans Nils Holgersson. Oh, c'est épouvantable! Papa! Papa, réveille-toi! Non, réveille-toi, pourtant! Mais il est bloqué sous l'eau par un Golgoth. Goldorak aussi, il est bloqué avec elle! Passons maintenant aux ennemis de Goldorak. Commençons par le chef des méchants, le grand stratégaire appelé aussi Vega. C'est un dictateur mégalomane dont l'ambition est de conquérir tous les mondes habités de l'univers. Depuis la planète Stikades, il surveille les hommes qui, en poste avancé sur notre lune, tentent de conquérir la Terre pour lui. Il est le père de Végalia, qui fut jadis la fiancée d'Actarus. Sa voix française est celle de Jacques Berthier, qui est aussi la voix de Perry Mason, du commandant Monastario dans Zorro ou encore le narrateur dans Xor. Ne discute pas, c'est un de nos meilleurs techniciens. Il est le grand maître du centre de nos recherches scientifiques. En conséquence, c'est à toi que revient le poste de commandant du camp de la Lune Noire. Le commandement du camp de la Lune Noire, le poste avancé, a été confié à Minos, Gandalf en VO, et Minas, Lady Gandalf en VO. Deux êtres habitant le même corps. Le premier est un homme d'une grande loyauté, qui possède une foi totale dans la puissance des armées qu'il commande, ce qui n'est pas le cas de la seconde, une femme rusée et diabolique qui ne conçoit l'action d'un robot que comme le dernier stade d'un plan conçu minutieusement. Ces deux personnages ne sont pas les deux facettes d'un même être, mais bien deux esprits indépendants dans un seul corps. Aussi différents qu'ils sont complémentaires, ils n'ont donc pas du tout la même vision des choses. La voix française de Minos est celle de Jean-Claude Michel, qui est également la voix de Jim Phelps dans Mission Impossible, du narrateur dans Spectreman, ou encore Blake Carrington dans Dynasty. Quant à Minas, sa voix est celle de Paul Emmanuel, qui est aussi la voix de la mère supérieure dans Candy ou la reine Sylvidra dans Albator. Comment peut-on être battu par Actarus quand on commande les armées de Vega? Espérons seulement que ça réussira. Ça doit réussir. En plus, nous sommes à la fonte des neiges. Les réservoirs contiennent 2 à 3 fois plus d'eau que d'ordinaire. Sous ses ordres, nous trouvons Hydargos, Blackie en VO, un général détaché de la division Ruin qui est responsable des troupes d'invasion du camp de la Lune Noire. Il est directement chargé de détruire Goldorak. C'est un homme cruel et ambitieux, il est donc tenu pour responsable des échecs des monstres qu'il envoie sur Terre. Il est l'un des rares hommes de Vega à faire passer son intérêt personnel avant celui de son maître. Il est déterminé à tuer Actarus et à se servir de cette éventuelle victoire comme d'un tremplin pour atteindre de plus hautes sphères. Il ne veut laisser à personne une part du gâteau. Son entêtement précipitera d'ailleurs sa chute. Sa voix française est celle de Marc de Georgi, qui prête aussi sa voix à l'homme qui tombe à pic, à Kui Chang Kane dans Kung Fu, ou encore à Ham Tyler dans V. Mais à rien pour attendre, Goldorak, je trouverai bien le moyen de te détruire un jour. Les ordinateurs nous indiquent que sa base est fatalement située dans ce triangle isocèle de 10 km de côté. Enfin, lors de la mort d'Hydargos, le grand stratégaire envoie Horos, Zuril en VO, pour améliorer les résultats des troupes d'invasion de la Terre. C'est un fin tacticien et un adversaire de taille pour la patrouille des aigles. Contrairement à celui dont il pallie la perte, il a le même grade que Minos. C'est son égal et il entretient avec lui une grande rivalité. Homme de science, il se vante souvent de ne pas être un militaire. Il aura également deux voix françaises. D'abord, Jacques Arden, qui fut la voix de Monsieur Spock dans le premier film Star Trek. Alors voilà la Terre. Quelle merveilleuse planète. Il faut qu'elle nous appartienne. Ce sera une base de départ fantastique pour la conquête des autres galaxies. Une bonne guerre ne se gagne pas uniquement par les armes. Il faut investir le camp ennemi et installer des bases de départ, c'est l'ABC de toute bonne stratégie. Ensuite, Henri Janik, qui était la voix de Lou Grant dans la série du même nom, Kojak dans la série du même nom, ou encore Barracuda dans l'agence touristique. Bon sang, on les avait presque. Qu'ils viennent, nous allons le recevoir avec tous les honneurs dus à son rang. Goldorak perd 50% de ses pouvoirs en plongée. C'est une excellente occasion. Nous avons une chance d'en finir avec lui. Voilà.